Vous écoutez Chérie FM, Étang de Berre. Chérie FM, Étang de Berre. Sur 106 FM. Le restaurant Au Grillon à Vitrolles, une équipe sympa et dynamique qui vous accueille du lundi au vendredi de 12h à 14h. Le restaurant Au Grillon, c'est aussi un service traiteur avec ACS Traiteur. Le restaurant Au Grillon s'occupe également de tous vos événements, mariages, anniversaires à partir de 30 personnes. Christine et Jean-François vous attendent au 42 avenue de Rome, Zédélésis Troublant à Vitrolles. Contact 04 42 10 48 40 04 42 10 48 40 ou www.acstraiteur.com. Et attention, ACS Traiteur vous propose également de découvrir une sélection de plateaux repas pour vos réunions d'entreprise. Prenez de bonnes résolutions. Pour faire de vraies économies, rendez-vous vite à la Socialienne Marseille-Provence à Vitrolles. Venez découvrir les meilleures affaires de la région. Des prix fous. La Socialienne, encore plus de prix, encore plus de services, encore plus d'économies pour toujours plus de bonheur. Avec la Socialienne, enfin, changez votre vision de l'automobile. La Socialienne, 13 avenue de Londres, Zédélésis Troublant, Vitrolles. La Socialienne, 04 42 155 155. RPA Auto. RPA Auto, centre agréé VHU, véhicule hors usage, vous propose l'enlèvement d'épaves gratuit, prime à la conversion, pneus et pièces détachées d'occasion toutes marques et garanties. RPA Auto, ouvert du lundi au samedi, quartier des Aiguilles, route de l'Or, à côté des salons de l'Or à Gignac. Contact 04 42 43 13 13. 04 42 43 13 13. Dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle saison culturelle 2019-2020 à Saint-Chamas, un événement va marquer le pas avec la réouverture de la salle municipale transformée en salle de spectacle modulable avec une tribune rétractable de 250 places et d'un matériel son et lumière de haute qualité. Et pour ce faire, vous avez rendez-vous avec un week-end exceptionnel avec deux spectacles qui vont ravir tout type de public. Le premier, hypnose et humour pour petits et grands, le samedi 9 novembre à 20h30. Avec Sirius Hypno revisite la télé, mais également les Swing Cocktails le dimanche 10 novembre à 20h30 avec Amour, Swing et Beauté saison 2. Vous allez pouvoir déguster les reprises exquises des grands succès. Renseignements et réservations 04 90 44 52 00 04 90 44 52 00 11 avenue des 53 à Saint-Chamas. Écoutez Chérie FM, Étang de Berre. Chérie FM, Étang de Berre. Sur 106 FM.